Cargoculte aujourd'hui, donc pour une petite heure, pour une petite heure. Un album, une écoute, une petite longue explication. Et pour la première fois, une bande originale de film. J'ai envie de dire, il était temps, dis donc. Parce qu'évidemment, dans ce registre-là, hein, dans les original soundtracks, il y a évidemment du culte à satiété. Et alors là, pour le peu, aujourd'hui, on commence, je dirais, très fort, et avec quelque chose de... Enfin, un compositeur ultra identifié, c'est Nino Rota. Et bien sûr, on va revenir sur la collaboration légendaire entre Federico Fellini et Nino Rota. C'est un exemple de collaboration et de réussite, hein, compositeur-réalisateur. Il y en a eu d'autres d'ailleurs, hein. Les Italiens faisaient ça très bien, hein. Pensons à Sergio Leone aussi, avec Ennio Morricone, alors, plus célèbre encore. Mais peut-être pas autant culte que justement la collaboration dont on va parler aujourd'hui, et spécialement d'une BO. Clairement la meilleure, en tout cas de mon avis, donc d'une subjectivité que je vous impose, mais vous allez voir que vous allez gagner mon avis tellement cette bande originale de film est étrange finalement. C'est le Casanova de Fellini, il Casanova di Federico Fellini. Ça paraît et ça sort en 1976. Voilà, alors à ce moment-là, Federico Fellini est à son sommet, évidemment. Nino Rota aussi, leur collaboration a déjà commencé depuis une quinzaine d'années, hein, ça date de 1952, c'est pour Le Chèque Blanc, premier film de Fellini, et première collaboration avec Rota, elle ne se démentira pas, hein, jusqu'à la mort d'ailleurs de Rota, pas très longtemps après cette BO, hein, c'est en 1979 que va disparaître Nino Rota. Bon, entre-temps, Rota va laisser... Des tonnes de musiques de films. Les plus célèbres et les plus marquantes sont probablement celles pour Federico Fellini. Mais j'ai envie d'en nommer d'autres, ne serait-ce que la BO du Godfather, hein, le parrain de Coppola. Là, c'est clairement, à mon avis, la bande originale de film la plus célèbre de Nino Rota. Bon, alors la plus oscarisée aussi, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une bande originale de film tellement propre, sans bavure et efficace que... Elle force le respect, mais pas forcément le culte. D'où justement une bande-son un peu plus hasardeuse, aventureuse que celle qu'on va dépeindre aujourd'hui. Et pour un film lui-même aussi, tantinet difficile. Parce que le Casanova de Fellini, c'est en fait un film extrêmement dur, extrêmement glauque. Mais prenons un peu de temps. Même si on n'a qu'une heure. Je vais revenir sur cette collaboration et puis peut-être les grandes étapes, hein, de la vie de Nino Rota. C'est quelqu'un qui est un staccanoviste de dingue. Rota et Fellini donc, vont travailler pour la première fois sur le Chèque Blanc en 52, c'est ça. Vont suivre des BO dont les films résonnent forcément dans vos oreilles. Hein, L'Evite Leoni, La Strada, La Dolce Vita, 8,5, probablement un motel du genre. Amarcord et d'autres. Voilà. Rota, né en 1911 à Milan, et il est déjà élevé dans une famille de musiciens. Il a ça au biberon, il a tellement ça au biberon que dès son enfance, il va étudier au conservatoire de Milan et c'est un enfant prodige. Il va signer son premier oratorio à 12 ans. Donc non seulement il va être compositeur, chef d'orchestre et faire un oratorio à 12 ans, mais il va être représenté quand même à Paris et à Milan en 1923. Bravo le môme. D'ailleurs que Mozart qui s'était fait remarquer plus tôt, quoi. Rota ne va pas s'endormir sur ses lauriers. Alors là, je vais passer assez vite sur sa biographie, mais il va partir notamment aux États-Unis. Il va bénéficier d'une bourse d'études où il va pouvoir résider aux USA, au Curtis Institute, qui est à Philadelphie. Et là, il y reste 2-3 ans. Et ça le met en contact avec une culture américaine qui va jamais complètement lâcher. Hein. Il va beaucoup travailler, bien sûr, avec Hollywood, mais pas que, et ouvrir grandement ses horizons. Bon, dans tout ça, il revient quand même à Milan. Il va poursuivre, certes, des études de musique, mais aussi des études littéraires à l'Université de Milan. Donc oui, on peut le dire, Nino Rota est en plus quelqu'un d'extrêmement doué, extrêmement brillant. Bon, ensuite, logique, après, dans une carrière de musicien, il va aller vers l'enseignement de la musique. Il mène ça de front, d'ailleurs, avec sa carrière de compositeur. Il prend la direction du conservatoire de Bari en 1950. Et jusqu'à sa mort, en 1979, il reste à la tête de ce conservatoire. Alors, Rota et ses partitions pour le cinéma. Parce que c'est là, finalement, que Nino Rota nous intéresse. Quand bien même, et c'est un petit peu... une ironie du genre, c'est que Rota prétendait pas du tout aimer le cinéma, ce qui est probablement vrai, mais j'y reviendrai plutôt dans la deuxième partie de cette émission. Rota, il commence en 1933 à faire une bande originale de film, pour un film qui s'appelle El Treno Popolare, voilà, on est dans pleine Italie fasciste, hein, juste avant-guerre. Mais c'est à partir des années 40 que Rota va prendre de l'envergure et travailler avec des réalisateurs internationaux. Parmi eux, Edgar G. Ulmer, américain, Henri Cass, britannique, Terence Young, réalisateur de quelques James Bond, hein, au moins deux ou trois. Bon, quand bien même, c'était pas Nino Rota qui a signé la bande originale des James Bond, ça ne nous aurait pas échappé. Et il travaille aussi avec Henri Verneuil en France aussi. Voilà, la rencontre décisive avec Fellini, oui, le Chèque Blanc. 1952, ça fait deux fois que je le dis, mais c'est forcément une date essentielle. Et la collaboration fructueuse qui va en suivre ne va pas se démordre. Hein. 8,5 est probablement la BO la plus remarquable, dans le sens où c'est un tel modèle du genre de concomitance entre des éléments filmiques et des éléments sonores. Le son donne une cohérence magnifique au film. Si vous enlevez le son de ce film, il rate sa prise. Quoi. Voilà. Tout dernier travail que va faire Nino Rota pour Federico Fellini, c'est le Prova d'Orchestra, c'est un film extrêmement étrange. C'est un film d'ailleurs qui n'a pas eu de succès du tout, parce que c'est un faux documentaire autour d'un faux orchestre. Enfin, c'est un vrai orchestre qui joue. Et c'est un documentaire sur une révolte qui gronde, finalement, avec interviews séparées des musiciens de l'orchestre qui, évidemment, s'attaquent au pouvoir dominant qui est représenté là, dans ce film, par le chef d'orchestre lui-même. Voilà. Et avant ça, donc, l'ABO qui nous intéresse aujourd'hui, le Casanova de Fellini, 1976. Ce film est le plus cynique de Federico Fellini. Son film le plus cruel, son film le plus désabusé. Et pourtant, Fellini n'a pas manqué d'ironie, voire de cruauté non feinte, hein, par ailleurs. Bon, le titre le dit bien, le Casanova de Fellini s'est adapté, bien sûr, des mémoires de Casanova. Mais c'est adapté très librement, et quand bien même ça s'attache à suivre, quand même, dans les faits, les pérégrinations du Casanova, du grand séducteur italien que la légende connaît, si on s'attaque à casser le mythe, quoi. C'est Donald Sutherland qui joue le rôle de Casanova. C'est un rôle assez fort, qui va marquer énormément la carrière de Chitalin. C'était pas lui, d'ailleurs, qui était le premier à être supposé. Mais c'est quand même lui qui prend le pompon. Voilà. Et ça nous met dans l'Europe du XVIIIe siècle, mais principalement à Venise, où à Cinecittà, Rome, évidemment, Federico Fellini a dûment restitué des pans entiers de la ville de Venise. Hein, enfin, il les a restitués à... pas tout à fait à la même échelle, au cinquième, mais ce qui est déjà quand même remarquable, et donner notamment une mise en scène assez époustouflante sur des scènes de rue qui évoquent le fameux célèbre carnaval de Venise. Il a un rôle important dans le film. Donc ce Casanova glauque à souhait nous dépeint finalement un noble vieillissant, un queutard qui crève de ne pas être admiré pour ses écrits, son intelligence, ses saillies philosophiques. Alors par contre, le film, lui, ne va pas manquer de saillies sexuelles, les mettre en scène de manière plus ou moins allégorique, et parfois clairement explicite. Certes, on n'est pas rated X, mais finalement, on l'a frôlé. Et tout ça dans une atmosphère absolument colorée, festoyante. Les costumes sont complètement luxuriants. Le film avait d'ailleurs été primé pour ses costumes aux Oscars. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute cette débauche visuelle sert un film largement sombre, quoi. Autant aujourd'hui, le film est considéré comme l'un des films les plus baroques de la carrière de Fellini, un de ses plus étranges aussi, autant à l'époque, il a fait grincer tes dents. Bon, et d'autres films de Fellini aussi, donc tant mieux d'ailleurs, c'est presque une marque de fabrique, mais celui-là certainement plus que d'autres. Lino Rota, lui, a été déjà oscarisé hein, pour plusieurs musiques de films. Donc oui, je rappelle le Parrain. Mais bon, on l'avait remarqué bien avant. La musique du Casanova de Fellini va remporter quand même un prix local, un prix italien de la meilleure musique de film en 77. Donc c'est le prix David di Donatello. Mais pas plus, finalement. Et je reste convaincu, et là on va le démontrer, finalement, que cette partition de Nino Rota est beaucoup plus influente, finalement. D'où son aura culte que je m'efforce de démontrer aujourd'hui. Elle est beaucoup plus influente sur les générations qui suivent que les énormes musiques de films qu'il a pu composer par ailleurs et qui restent effectivement historiquement liées au cinéma, mais probablement avec moins d'ascendance sur les générations futures, notamment sur cette stratégie proto-électronique d'approche du son et de travail sur le son. Donc, à quoi on va s'attendre ? Le film est structuré par deux thèmes principaux. C'est souvent le cas, hein, d'ailleurs, dans les BO de films. Et donc, ces deux thèmes principaux vont, bien sûr, connaître des déclinaisons. La musique est extrêmement dépouillée, très, très mélancolique, mais aussi assez sarcastique, hein, très moqueuse. On a compris que Fellini se moque de Casanova, il humilie le mythe d'une certaine manière, mais on comprend vite aussi que Casanova est une victime d'un système. Et l'analogie avec les systèmes dominants, et notamment le Cinecittà déclinant, à ce moment-là, on est en 1976, je vous le rappelle, les studios de Cinecittà ne vont pas vivre très longtemps après, et Fellini est effectivement au cœur de ce système-là, et il en est à il est très à même de le dénoncer. Il le fera d'autant mieux, d'ailleurs, dans le film El Naveva, qui sera, je crois, son dernier film, mais qui vient un petit peu après, évidemment. Voilà. Il y a, dans ce qui va vous marquer dans cette BO, et vous allez voir qu'elle va vous revenir en tête immédiatement, parce qu'elle a une sonorité gimmick absolument merveilleuse, quasi obsessionnelle, qui vient d'un instrumentarium plutôt à la fois simple et audacieux, et qui met en avant un harmonica de verre. Alors qu'est-ce que c'est que l'harmonica de verre ? C'est le glass harmonica, on l'appelle par ailleurs. C'est un instrument assez ancien, en fait, qui est un instrument qui avait été inventé par Benjamin Franklin, figurez-vous. Benjamin Franklin invente ça en 1762, très exactement. Pour rappel, c'est l'harmonica de verre, le glass harmonica, se compose de plusieurs bols en cristal. Ils sont empilés sur un axe horizontal rotatif. Et après avoir mouillé ses doigts, on appose ses doigts, ses mains sur les verres qui sont en rotation par un système de pédalier. Alors le son qui s'en dégage, en fait, il faut vous imaginer à table, au repas de Noël, en train de caresser votre doigt sur le joli verre en cristal de mamie. Ça fait cette... En plus joli, je le souhaite. Et ben c'est ça exactement qui se passe avec le glass harmonica. Donc c'est un son extrêmement cristallin, plutôt aigu, très résonnant, un son venu d'ailleurs comme ça. D'où cet aspect proto-électronique qui sonne dans ce film-là, un film complètement baroque qui se passe au XVIIIe siècle et qui sonne un peu comme électronique. Il y a un renfort d'instrumentation derrière très intéressante, un piano électrique notamment. Sinon, on est dans une orchestration plutôt classique, quasi minimaliste. Les voix aussi ont leur importance, mais elles ne sont pas forcément dominantes. Je reviens au glass harmonica. Paganini avait surnommé cet instrument l'orgue angélique. C'est beau, hein ? Et alors, d'un autre côté, certains ont vu dans ces sons-là quelque chose de, au contraire, très maléfique. En 1835, il y a un décret de police qui va interdire l'usage du glas harmonica dans certaines villes d'Allemagne. Le décret invoque que ce sont des sons qui font hurler les animaux. C'est peut-être pas complètement faux, remarquez. Qui provoquent des accouchements prématurés. Ça devient intéressant. Et qui vont susciter la folie autant chez les interprètes que chez les auditeurs. Ce qui est probablement vrai, et vous allez le vérifier d'ici peu. Alors, peut-être pas strictement à cause de ce décret débile, peut-être à cause d'une réception pas si aisée pour les oreilles de l'époque, l'instrument va décliner, il va disparaître en fait, jusqu'à être refabriqué en 1982 par un verrier installé aux États-Unis, quelque part dans le Massachusetts. Ne me demandez pas où, mais... Et du coup, redonner vie à un instrument, alors qui n'a jamais été un instrument mis tout à fait en avant dans l'orchestre, mais qu'on peut dire avoir totalement décliné. Ici, vous allez l'entendre de facto. Il y a une confusion qui a toujours été entretenue entre le glas harmonica et un instrument, alors lui, beaucoup plus récent, j'oserais dire moderne, mais extrêmement intéressant, qui est le cristal bachet. Le cristal bachet, c'est l'invention des frères Bachet. C'est un instrument fabuleux. Qui lui apparaît au tout début des années 50, qui est à la fois une sculpture sonore et un instrument. Et au même titre que le glas harmonica, il va se jouer avec des doigts mouillés qui vont caresser des tiges de cristal. Voilà, s'ajoute à ça au fait que le cristal bachet, lui, c'est un instrument qui est complété par des grands cônes en aluminium qui servent de résonateur, puis qui donnent à l'ensemble une fière allure, quoi. L'instrument est extrêmement beau et finalement joue à la fois sur une dimension plastique et une dimension musicale. Il reste pendant quasiment certain que c'est du glas harmonica qui est utilisé dans la BO qu'on va suivre. Je vous propose de la découvrir dès maintenant. Il Casanova di Federico Fellini. Cargo Culte. Bonne écoute, à tout à l'heure dans 31 minutes. Thank you. Thank you.

avec ses petites notes dernières là, qui s'évadent, avec cette petite mélopée. Alors, c'est le thème principal, hein, il a tapissé comme ça toute la BO du film, hein, je rappelle, le Casanova de Fellini. Et outre le piano électrique et surtout le glass harmonica qui ont une place prépondérante dans toute l'instrumentation de ce disque et de cette BO, s'est ajoutée là une très très délicieuse boîte à musique justement. Et là encore, c'est un chaud-froid permanent parce que c'est la dernière scène en fait du film et la boîte à musique illustre en fait un automate. Casanova voilà, finit par faire l'amour à un automate. Alors, comme bien même, c'est même l'automate qui prend Casanova, voilà, définitivement loser intellectuel et perdu dans le sexe, quoi. Il y a quelque chose comme ça d'assez dramatique dans ces mémoires de Casanova, reconjuguées par Federico Fellini. La plus belle musique de film de Casanova, voilà. Alors, c'est moi qui le dis et c'est moi qui le répète. Quand bien même, c'en est une parmi 170 BO de films. On en dénombre à peu près 170, peut-être un peu plus, c'est vous dire. C'est un travail complètement colossal. La vraie étrangeté, c'est qu'il est dit notoirement que Nino Rota n'aimait pas le cinéma. Et Fellini lui-même déclare, à chaque fois que Nino assiste à une projection de travail, il s'endort. Voilà, ça en dit long. Étrangement, les rapports compositeurs-réalisateurs, hein, et parmi les plus notoires de l'histoire du cinéma, sont tapissés comme ça d'accointances qui ne marchent pas toujours. J'ai en tête, moi, bien sûr, l'union fondamentale entre Badalamenti et David Lynch. On sait maintenant très bien que Badalamenti n'avait pas vu une seule image de Twin Peaks quand il a créé cette indémodable et infatigable BO du film. Alors là, c'était pas parce que Badalamenti d'ailleurs voulait pas avoir les rushs ou qu'il s'en foutait. C'est en fait Lynch qui a pas voulu lui montrer les ébauches de Twin Peaks. Si je parle de Twin Peaks, là, c'est pas totalement un hasard, parce que le thème de Badalamenti, il est indéniablement influencé par Casanova. Rappelez-vous, on y trouve la même lenteur. Ces résonances comme ça, très très longues, à la fois aériennes et oppressantes, quoi. Et c'est en ce sens-là que la BO du Casanova de Fellini par Nino Rota est vraiment influente, plus que tout, sur les générations suivantes, quoi. C'est cette espèce de proto-électronique hors d'âge en fait vraiment, vraiment un objet de culte, quoi. Alors, culte qui ne doit pas laisser dans l'ignorance, effectivement, les compositions sacrées et les compositions monstres de Nino Rota, et essentiellement pour Fellini. Celle qui est la plus citée, c'est justement, d'ailleurs, c'est probablement le travail qu'a fait Nino Rota pour 8,5. Et afin de s'évader, on va écouter une formidable cover de 8,5 qui est en fait fait par Carla Bley. Carla Bley, hein, elle gère un big band, c'est fait partie de ces grandes dames du jazz et chef d'orchestre du jazz. Hein, c'est plutôt un milieu d'hommes, hein, en général. Hein, Count Basie ou Gil Evans, mais les nanas rarement en avant sur ce rôle-là. Bon, Carla Bley, elle a fait date, évidemment, et c'est quelqu'un d'extrêmement important. Il y a eu, à l'aube des années 80, cette très chouette compile, ça s'appelait Amarcord, exactement comme le titre du film de Fellini, qui avait réuni comme ça cette clique avant-jazz, pour beaucoup américaine, John Zorn, Bill Frisell, et donc aussi Carla Bley à la tête de cet orchestre-là. Et c'est une reprise extrêmement intéressante, parce qu'en fait, elle est absolument dans l'esprit de l'original, et l'instrumentation est la même. Donc, on retrouve totalement les images du film, l'énergie cinétique de tout ça, mais c'est beaucoup plus libéré, c'est emporté quand même par une orchestration de jazz haut de gamme et ça sublime finalement à la fois l'œuvre de Fellini, à fortiori celle de Rota, mais en même temps une expression de jazz assez fulgurante, quoi. Voilà, ce sera notre au revoir sur ce coup-là. On se retrouve probablement plus longuement la semaine prochaine. Bonne écoute sur Pinode, à bientôt.